إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبعد فبفضل الله تعالى قد تقدمنا في سلسلة في علم التوحيد توحيد الله عز وجل On avait commencé une série de cours dans le Tawhid, différents rasaïl de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmallahu ta'ala, entre autres. Wa kadhalika tadhhir al-i'tiqad. Et inshallah, on va arriver à la fin de ce qui concerne le Tawhid dans cette celle-ci-là par ce livre qui est min a'zam al-kutub al-musannafa. Bab bal akul wa a'zam kitab musannaf fi hadha al-bab. Musannaf le plus grand livre écrit à ma connaissance dans ce sujet, le plus grand ouvrage écrit de la main de l'homme dans ce sujet, qui est Kitab al-Tawhid, du même auteur qui est Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahmahu ta'ala. Ce livre qui a été écrit car à son époque rahmahu ta'ala, il a revivifié cette religion du fait que les gens, comme on disait de son époque, étaient tombés dans le shirk. Fi Ard al-Hijaz, ce qui est appelé Saoudia aujourd'hui. Donc de là, après qu'il ait fait Talab al-Ilm, qu'il est devenu un alim, un grand alim, un imam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a gratifié par l'aide d'un des umara qui était là-bas, qui est Mohammed ibn Saoud, qui lui avait la force, on va dire, armée militaire avec lui. Donc les deux se sont alliés et ont mené un grand djihad. Cheikh Mohammed par le ilm et le kalam, épaulé par l'imam Mohammed ibn Saoud par les armes et l'autorité. Jusqu'à ce que le pays soit devenu comme il est connu aujourd'hui, wa huwa ard tawhid fi hadha zaman. On a appris Kashf al-Shubuhat. Ma'an al-Afdal, le meilleur, c'est de prendre Kitab Tawhid avant Kashf al-Shubuhat. Les ulama conseillent cela dans le tartib. Car Kitab Tawhid t'explique mieux les ibadah, quelles sont-elles. Et celui qui a pris Kitab Tawhid dans Kashf al-Shubuhat, la chose elle est beaucoup plus claire et plus simple de comprendre la différence dans les ibadah et selon quoi sont tombés les gens dans le shirk à notre époque. Mais, yani, c'est pas l'azim, c'est juste Mab al-Afdal. En tartib, c'est mieux. Mais c'est pas l'azim. Et min zaman kuntu atamanna an udarrisa hadha al-kitab. Là, c'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire. Trop longtemps que je voulais le faire. Fadlillah. Fa nasallallahu an yuwaffiqana fi dhalika at-tadris wa yu'inana. Donc avant de rentrer comme prévu, on voulait prendre le charh de Cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, qui est résumé alhamdoulillah, qui est simple. La bas an akhudh ahyanan min huna ou huna, quand une faïda à l'extérieur on la prend, on la rajoute. Comme à mon habitude, je ne vais pas forcément lire tout ce que dit l'auteur le sharih. Des fois les taliqat je les fais moi-même, ce que je connais. Des fois on lit les kalim du sharih en traduisant ce qu'il a dit. Et s'il y a besoin d'ajouter un ta'liq, on le rajoute. Mais Inch'Allah, ce sera quand même un ders qui sera simplifié. Car Kitab Tawhid, c'est un ders, tu peux le faire Mouassa, Jiddan. Lakin, nous, ce n'est pas le cause. Le cause, c'est de sortir avec un fahm du matn. Avant cela, Cheikh Ben Baz, lui, dans son livre, il a parfaitement Qaddima. Et là, j'aurais aimé qu'on commence par celle de Cheikh Al-Fahmi dans son livre Al-Qawl al-Mufid, qui est lui-même l'un des meilleurs shurukh de Kitab Tawhid. Cheikh Yahya dit que les meilleurs shurukh qu'ils connaissent de Kitab Tawhid, c'est Fath al-Majid, Cheikh Yahya ou Cheikh Mokbel, j'ai oublié l'un des deux, que c'est Fath al-Majid et celui-là, Al-Qawl al-Mufid. Mais il est vraiment Mufassal. Il est grand, donc, Inch'Allah, peut-être une autre fois, on le fera, qui sait. أما اليوم سنخوض شيئا من مقدمة الشيعة ابن العثيمين رحمه الله تعالى. فقال كتاب التوحيد. كتاب التوحيد أولا كتاب كما نغيبت على دروس الكلمات في الدين تعطي على معنيين, معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. Un sens qui est linguistique, qui est lié à la langue, et un sens qui est, on va dire définition, qui est lié à la législation, car elles n'ont pas forcément le même sens. Et même dans les législations, dans le style ahad des ulum, des funun, dans différents domaines de la science, un même mot peut avoir différentes définitions, différents sens. Ça dépend du rythme dans lequel tu es. Par contre, kitab à la base, c'est la wazn fi'al, mais ma'na maf'oul. Ma'na maktoub. En fait, c'est un écrit. Un kitab, c'est un écrit. C'est là où tu as assemblé ce que tu as écrit. Ce n'est pas forcément, comme les gens s'imaginent, un livre ou un gros livre. C'est un écrit. Tout écrit s'appelle kitab. Après, tu as ce qui est court et ce qui est grand. Ça varie. Donc, wa ma jumi'a bil qalam. Mathalan. وكتاب كذلك يكون ما تترتب عليه أبواب dans les kutub de ilm. Un kitab, c'est ce qui englobe des abwab, des portes, qu'on appelle chez nous souvent chapitre. هنا هو يريد المعنى اللغوي. كتاب التوحيد, c'est-à-dire l'écrit lié au tawhid. التوحيد لغتان ومصدر الفعل وحد يوحد توحيدا اي ان تجعل الشيء واحدا. C'est le مصدر du verbe وحد يوحد, qui est la wazn taf'il, donc c'est توحيد, qui est le fait d'unifier une chose. وفي الشرع قال وإفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Dans la législation, c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est spécifique, dans la seigneurie al-Rububiyya, dans la divinité qui est al-Uluhiyya, et dans les noms et attributs qui sont al-Asma wa Sifat. Ce qui est Allah seul le revient à lui seulement. Et ces aqsam sont ma'ruf. Chez les anciens, Tawhid, Kanayan Qasim, il a Qismayn. On l'a pris. Il le mettait en deux catégories. Il mettait Talab wa Qasd d'un côté, ou al-Ma'rifa d'un autre côté. Comme l'avait expliqué l'imam al-Sana'ani, qui est qu'il mettait al-Asma al-Wasifat ou al-Rububiyya ensemble, ou al-Uluhiyya à part. Thumma, inda muta'akhirin, ceux d'après, ils l'ont mis en trois. Ils ont séparé al-Asma al-Wasifat de Rububiyya, surtout par le khalal qui s'est déclenché dans la Umma à cause du Jahl, dans ce bab. À ce moment-ci, il y a eu beaucoup d'égarements qui ont été faits. Et ce Tawhid, ces trois aqsam à la base, ils ont été connus par Al-Istiqra ou Al-Tatabbu'a. C'est-à-dire en regardant dans les textes. Il n'y a pas un dalil, un verset ou un hadith qui dit que le Tawhid est de trois catégories. Et il y a plein de choses dans le ilm que tu vas trouver, des stilahat. Ils n'ont pas un dalil salih à l'appui, mais en cherchant les ulama, on trouvait cela. C'est une déduction. Après, cette déduction a été appuyée par des preuves. Comme on l'a dit, ces preuves sont présentes, mais elles ne sont pas salih à clair, qui disent « ça, c'est comme ça ». Min adillat adal at-taqsim, qulullah azza wa jal, rabbus samawati wal ard, wa ma baynahuma, fa'buduhu, wastabir ibadati, hal ta'lamu lahu samiyya. Qui est Seigneur des cieux et de la terre. Et ce qui est entre les deux. Donc là, c'est la seigneurie. Vous Fa'budhu, alors adore-le. Wastabir l'ibalati, patiente et endure son adoration. Hel ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu le connais, un homonyme? On dit comme ça, c'est le même nom que toi. C'est un homonyme, c'est ça? Synonyme, c'est le même sens. Oh, c'est homonyme. Allah, Ma'nahu, est-ce que tu connais quelqu'un qui a le même nom que lui? Donc là, ce verset regroupe les trois. Insinuer, quand même, la divinité et les asma wa sifat. Kazalik fi fatiha, on trouve cela dans le fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, ça c'est rububiyya. Ar-Rahmani ar-Rahim, ça c'est l'asma wa sifat. Malik yawmiddin, ça c'est aussi asma wa sifat wa rububiyya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ça c'est uluhiyya. Même dans le fatiha tu le trouves. Dans d'autres versets, on déduit. Même dans d'autres versets, on déduit. Donc, awalan tawhid ar-rububiyya. Qal huwa ifradullah 'azza wa jalla bil khalq wal mulk wal tadbir. C'est-à-dire que tu unifies Allah dans la création, il n'y a que lui qui a créé, tout créé. Dans le mulk, c'est tout et sa royauté, sous sa possession. Et tadbir, c'est lui qui contrôle toute chose. Quand même, c'est que l'insan yataqid qu'il n'a pas d'autre khaliq à part Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Azza wa Jal, ala la ou le khalqu wal amr, n'est-ce pas à lui qui est la création et le décret. Et cette phrase, elle a un sens de hasr, c'est-à-dire restriction, ça ne revient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, hal min khaliqin ghayrullah yarzukukum min as-sama'i wal ard. Y a-t-il un autre créateur en dehors d'Allah qui vous attribue votre subsistance des cieux et de la terre? Donc ça, ces versets-là viennent démontrer que seul Allah a ses caractéristiques, ses attributs. Ça ne revient qu'à lui. Et cette question-là, bimana tahaddi, c'est une question dans laquelle il te défie, en fait. Est-ce que tu connais autre que Allah qui peut faire cela? Tu ne peux pas, tu ne connais pas. C'est comme une forme de tahaddi, c'est une forme de défi. Et le khaliq, le khalq, Allah subhanahu wa ta'ala l'a attribué à sa création également. Comme a dit Ta'ala, « Fatabarakallahu ahsanul khaliqin » que « Tabarakallahu » le meilleur des créateurs. C'est-à-dire qu'il y a autre que lui, à qui le nom khaliq peut être attribué. Mais cette création, ce n'est pas le khalq al-mutlaq, la création absolue. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala, « Le khalq indahu wa al-ijad min al-adam » il fait venir une chose à partir du néant. Une chose qui n'était pas, il l'a fait devenir. À partir de rien du tout. Et par son simple vouloir. Alors que le khaliq chez la créature, c'est, il ne fait qu'un tahwil. Il change une chose d'une forme à une autre. Il change les choses d'une forme à une autre. Nathalène, quelqu'un va dire, j'ai créé une maison. On va dire, si tu veux, on peut le mot créer, mais en réalité, tu n'as fait que assembler quand même des matériaux par lesquels tu as fait cette maison. Tu as assemblé le bois, tu as assemblé les clous, tu as assemblé le verre, tout cela, et tu as fabriqué une maison. Si quelqu'un l'appelle créateur, on ne dit pas c'est du shirk. On dit non, mais c'est un khalq qui est mahsour. Elle est limitée. Elle est basée sur des choses, sur des faits. Et ces choses que tu as utilisées pour créer ta maison, qui les a créées réellement de rien du tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalik fil mulk wa lillahi mulku samawati wal ard. Et c'est Allah que sont qui est la royauté des cieux de la terre. Et également, ce mulk, cette royauté, cette possession, Allah subhanahu wa ta'ala l'a attribué à sa créature. Également, comme a dit Ta'ala, « Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum faynum ghayru maloumin » C'est-à-dire, ceux qui préservent leur furuj, quand même leur partie génitale, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils doivent les préserver, hormis pour leur époux ou épouse, pour les femmes, ou ce que leurs mains possèdent. Ça, c'est pour les hommes, pour les esclaves, femmes. Ama la femme, elle, il y a Ijmar qu'elle n'a pas de rapport avec son esclave. Ama l'homme, lui, il peut. Quand même, il peut. Donc, il a dit quoi, Shahid, ma malakat aymanuhum, ce que leurs mains possèdent, détiennent. Car malakat yamliku, c'est posséder, c'est également le sens de royauté. Donc là, et il y a des mains, on connaît, il y a des rois sur terre. Ils ont un royaume. Quand même, il y a des rois sur terre, ils ont un royaume. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà donné le malik à des créatures, du moins. À des hommes. Leur royauté, elle est mahsoura, elle est limitée. Le roi, parmi les humains, a un royaume qui est limité. Et même lui, il ne fait pas tout ce qu'il veut dans son royaume. C'est lui, on va dire, qui a le décret dernier, mais même si il y a des choses qui peuvent lui échapper dans son royaume. C'est lui, par exemple, il dit un tel, on l'exécute. Un tel, on le laisse en vie. Et ce un tel qui l'exécute, la trouvée s'est échappée, il l'a pas rattrapé. Il n'a rien pu faire. Et l'autre qui dit celui-là, on le laisse en vie, quelqu'un est venu le soir et l'a tué de lui-même. Donc il ne peut pas tout contrôler. À la base, c'est lui qui a l'ordre dans son royaume. Mais il n'a pas l'ordre absolu. Il ne maîtrise pas tout. Et son royaume est limité. Il y a d'autres rois, il n'y a pas que lui. C'est pour ça que souvent ils font la guerre pour savoir qui aura le plus grand royaume. Qui dominera l'autre. Amal Mulk el Mutlaq, Allah Ta'ala. La royauté absolue, c'est pour Allah SWT. Et même ces rois-là sont eux-mêmes, enfin, même des sujets. Ils sont assujettis au décret d'Allah SWT. Donc c'est lui. Le Malik el Mutlaq, c'est Allah SWT. Et tout ce qu'il a créé, Adam Ulku, c'est sa création. Et c'est son royaume. Et nous, on en fait partie. Nous, on en fait partie. وفي التدبير ما هو فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلى الله وحده qu'il a pour croyance que seul Allah a le contrôle des choses de la création. يقول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. Dans le sens où Allah dit donc qui octroie la subsistance depuis le ciel et la terre et qui détient l'ouïe, la vue et qui sort le vivant du mort, qui sort le mort du vivant et qui contrôle, on va dire qu'il y a le décret, ils diront certes c'est Allah. Dit, ne craignez-vous donc pas. Donc voici Allah, votre Seigneur, la vérité, Al-Haq. Et donc, qu'y a-t-il donc après la vérité, au-delà de la vérité, si ce n'est l'égarement? Comment pouvez-vous vous détourner? Fil ma'ana. Tarjama, le sens relatif rapproché. Et donc l'insan également, il a un contrôle sur des choses. Et également, il est limité. Il est limité. Il ne fait pas tout ce qu'il veut comme il veut. Il est lui-même sous contrôle à la base. Son propre corps, il ne le contrôle pas. Des choses se passent en lui, quand même à l'intérieur de son corps, qu'il lui-même n'est pas en mesure de contrôler, de gérer. Combien de gens ont des maladies, ne les connaissent pas? Quand quelqu'un a de la fièvre, est-ce qu'il peut supporter cette fièvre? Il est malade, il est allongé. La fatigue, si demain pendant 3 jours il ne dort pas, qu'est-ce qui va tomber? Il va s'écrouler de fatigue. Est-ce qu'il contrôle? Il ne contrôle pas. Ses cheveux poussent, est-ce qu'il peut arrêter ses cheveux de faire arrêter ses cheveux de pousser? Il ne peut pas. Ses ongles, est-ce qu'il peut les arrêter? Il ne peut pas. Il peut faire des machines, des choses qui, masalène demain, chimiothérapie, tes cheveux ils tombent. Ou t'enlever des choses qui empêchent tes cheveux de pousser. Mais c'est limité. Quand même, c'est limité. Donc, même l'insane, son propre corps ne le maîtrise pas. Donc, que dire du reste? Et ce tawhid qu'on vient de parler, qui est al-rububiyyah, on l'a expliqué dans les kutub précédents que les mouchriquins ne l'ont pas renié, celui-là. Hum mukirru nabi, ils l'ont reconnu. Même ils l'ont reconnu. Il n'a été renié que par Pharaon, qui l'a rejeté, alors qu'au fond de lui le savait, juste par orgueil, et également par les Majous. Les Majous qui disent qu'il y a deux créateurs, An-Nur ou Az-Zulma. An-Nur yakhluqu al-khayr ou Az-Zulma yakhluqu al-shar. Qu'il y a la lumière et les ténèbres. Et même pour eux, ces deux divinités, ou plutôt ces deux créateurs, ne sont pas égaux. Pour eux, Al-Nur, Khair, Mina, Al-Zulumah. Même chez eux, qu'ils aient, on va dire, un prétendu de créateur, même chez eux, ces deux créateurs ne sont pas égaux. Que la lumière est meilleure que la ténèbre. Que la lumière crée le bien, et le ténèbre crée le mal. Et tout le monde préfère le bien. Azama Arouf. Thumma qal, Al-Qismu, ou Al-Qismu Al-Thani, Tawhid Al-Uluhiyya. Qui est Tawhid de la divinité. Yusamma kadhalik bi tawhid al-ibada. Et ça par deux sens. Si on dit tawhid al-uluhiyya, ça c'est attribué à Allah SWT. On dit tawhid al-ibada, c'est attribué à la créature. Que cette ibada, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la créature. Cette uluhiyya, à qui elle est attribuée? À Allah SWT. Mais les deux, c'est le même. Enfin, Allah SWT ou le mustahik de l'ibada, il y a le seul qui mérite l'adoration. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. Cela car Allah est la vérité ce qu'ils adorent en dehors de lui, c'est le faux. D'où Al-Haqqu min Asma'illahi. C'est pour cela que Al-Shahada, La ilaha illallah, elle est bâtie sur ce verset. La ma'bouda bi haqqin illallah. Dit adoré, en réalité, ce n'est Allah. Car Allah, c'est lui le haqq. Ubida min douni fawa batil. C'est du faux. فقال هذا القسم كفر به وجحده اكثر الخلق ومن اجل ذلك ارسل الله الرسل وانزل عليهم الكتب قال الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. Donc cette catégorie de tawhid, la plupart des mukallifin l'ont rejeté, la plupart des gens l'ont rejeté, et c'est pour ce tawhid que les messagers ont envoyé et pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre les kutub. Comme encore l'état Allah dans le sens relatif et rapproché. Et nous n'avons envoyé avant toi, de messagers sans que nous lui ayons révélé qu'il n'y ait pas de divinité en dehors de moi, c'est-à-dire d'une est adorée en dehors de moi, alors adorez-moi. Azahu. Al-Rusul ursilat la jihad al-Kalima. Et il dit ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, en cette époque, la plupart des auteurs qui écrivent des livres de Tawhid pour la Ummah, ils raquent sur quoi ? Tawhid al-Rububiyya. Comme si les musulmans aujourd'hui ne reconnaissaient pas Allah comme étant le créateur. Les koufars eux-mêmes le reconnaissent, la plupart d'entre eux, à part une partie infime qui semble athée. Donc comment tu vas apprendre aux musulmans qu'il y a un créateur ? Et si il s'avérait que certains les reniaient, ils sont vraiment une minorité infime. Et eux, c'est les koufars, comme s'ils disent musulmans. La salaine, t'as Zandani, Abdelmajid Zandani, qui est du Yémen, qui est la tête des Ikhwan musulmans ici, du Hizb al-Islah. Il a un livre qui s'appelle Kitab Tawhid. De là, il parle de quoi ? Tawhid al-Rububiyya. C'est tout. Et Shayyah, il a fait un rap sur lui par rapport à ça. L'établir aujourd'hui, c'est quoi leur dawa Tawhid ? Tawhid al-Rububiyya. Ils appellent aux gens que c'est Allah qui a tout créé. Les gens vont dire, on le sait ça. Les musulmans, ils disent, on est au courant de tout ça. Tu nous apprends rien. Et ce Tawhid par lequel tu nous appelles, ce n'est pas la clé du Jannah pour nous. Car les koufars, parmi les mouchtekoun, ils l'avaient. Ils ont été rendus koufars pour quand même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a combattus. Donc ce tawhid que tu nous appelles là, on le connaît, alhamdoulilah. La fitra, elle est là, on le connaît. C'est pas ce tawhid là pour lequel ont été envoyés les messagers. Azaou. Celui qui le renie est mécréant. Et celui qui le reconnaît n'est pas forcément croyant. C'est ça qu'il faut se dire. Ma yalzam minhu al-iman. Thumma qal, wa al-qism al-thalith wa al-tawhid al-tayyib. Et ce qism, le deuxième là, hada wa al-mawdu al-kitab. Le livre va parler de ce sujet là. C'est ce tawhid pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les ibad, pour qu'il l'unifie dans l'adoration. Et le sujet du livre sera basé sur ce tawhid, comme cela va venir, inshallah ta'ala. Thumma qal, al-qism al-thalith tawhid al-asma wa sifat, qui est le tawhid dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ifradullahi azza wa jal bima lahu min al-asma'i wa sifat. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. Et ça englobe deux choses, comme le dit le shaykh. الإثبات وذلك بأن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc en premier lieu, c'est affirmer ses noms et attributs. Ces noms et attributs qu'Allah a affirmés pour lui-même dans son livre et dans la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم. وثاني نفي المماثلة, le fait de renier la ressemblance. C'est-à-dire que on ne donne pas d'égo à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. Comme a parlé Azza wa Jal, laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Qu'il n'y a rien qui est comme lui, il est certes l'audient, celui qui entend tout, parfaitement audient, et le clairvoyant, celui qui voit tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit qu'il n'y a comme rien, il n'y a rien qui lui ressemble. Et à côté de cela, il s'est attribué des attributs, et ces attributs-là, on peut le trouver chez la créature, mais elles ne sont pas pareilles. C'est-à-dire que le sens est le même, mais le kayf n'est pas pareil. Vous voyez, le sens, si on te dit que Allah, il a la vue, il voit, l'être humain, il a la vue, il voit, c'est mujtadik fil ma'ana, c'est le même sens. Mais le comment, on ne le connaît pas. El kayf, majhoul. On ne sait pas comment il est le kayf. On ne cherche pas à savoir comment il est. On ne cherche pas à savoir comment Allah il est et le comparer à sa créature. On ne peut pas. Ce n'est pas possible et c'est interdit de le faire. Tamam. Et ce qisme de Tawhid qui est à son sifat, il a dit une grande partie de la Ummah s'est égarée dedans. Une grande partie de la Ummah s'est égarée dedans. Et ça, c'est surtout à l'époque de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. C'est pour ça que Cheikh Islam, beaucoup de ses kutubs sont basés sur ce domaine, ce sujet, qui sont Asma wa Sifat. Car son époque, c'est là qu'il y a eu un grand khalel dans ce bab. Même avant, il y a eu. Mais à son époque, ça a été encore plus dur. Tout comme à l'époque de l'imam Mohammed ibn Abdullah ibn Najdi, qui était après, qui venait après Cheikh Islam, et qui a beaucoup profité de lui dans ses kutubs. Lui, le khalel qu'il y a eu, c'est dans quoi? Tawhid al-Uluhiyya. Donc, c'est quoi le wajib sur nous? Un nu'mina bima wasafa Allahu wa samma bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisan rasulihi sallallahu alayhi wa sallam min ghayri tahrif wa la ta'til wa la takif wa la tamthil. Qu'il nous est obligatoire de croire comme de croire en ses attributs, que Allah s'est attribué à lui-même comme il s'est décrit lui-même. Pas même. Et en ses noms comme il s'est nommé lui-même dans son livre et sur la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Sans tahrif, c'est-à-dire tahrif c'est quoi? Altérer les textes. Ta'til, c'est quoi? C'est annuler la chose. Annuler la chose. Et ta'kif, c'est chercher le comment. Et tamthil, c'est chercher un équivalent. Donc le tahrif et le ta'til, comme le dit le shir, ça c'est dans les nusus, dans les textes. Et le ta'kif et le tamthil, ça c'est dans quoi? Dans les sifat, dans l'asma, directement. Fahim ta'hada? Non. Mathalan, ta'kif, tahrif, quelqu'un va dire Allah, hein, qala, wa qalat il yahoud, yadullahi ma'loula. Les yahoud, ils ont dit que les mains d'Allah sont fermées. Donc là, le muharrif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le verser, il va le changer. Quand même, il va le changer. Et le mu'attil kazalik, il va le renier. Ama le mukayif, il va dire « Naam ». Mais je sais comment elle est cette main. Et le tamthil, il va comparer cette main à autre chose, à la main de la création. « Fahim ta'hada ?»« Naam ». Donc là, c'est ce qu'on voulait prendre aujourd'hui comme code d'Ima pour ce qui suit par la suite dans « Hadha al-kitab al-azim »« Alladhi yajib ma'rifatuhu ala kulli mukallif » Quand on dit cela, on ne dit pas que le livre « Kitab Tawhid » en lui-même, ce livre bizatihi est obligé d'être connu. Son contenu, quand même, ce à quoi il l'appelle, son contenu, cela est une science qui est fort d'ayn. Chacun doit connaître le tawhid. Là, c'est obligatoire, comme la salat. Et le meilleur livre qui a été écrit sur le sujet, min al-mu'allafat, al-musannafat, c'est ce livre. Ah, mais le meilleur livre dans le tawhid, souvent, les mashayikh ont été interrogés. Quel est le meilleur kitab dans le tawhid? Ils disent le Coran. Bila shak wa la rayb, c'est le Coran. Mais là, on parle maintenant des ouvrages écrits de la main de l'homme qui expliquent, car le Coran, ce n'est pas tout qui est compréhensible pour tout le monde au premier abord. Il y a besoin de tawdih, il y a besoin de tafsir, il y a besoin de shuruhat. Donc le meilleur livre qui a été simplifié écrit sur ce sujet-là en lui-même, c'est Kitab Tawhid. Et le Coran, il est divisé en trois choses, comme l'a dit l'Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Le Coran, il est en trois choses. Al-awwal al-tawhid. Tawhidullah azawajan. Il appelle à cela. Deuxième, al-awamir wal-nawahi, les ordres et les interdits, c'est-à-dire les ahkam. Et troisième, al-akhbar wal-qisas al-anbiya, ma'loumam al-sabiqa. Et troisième qism, c'est quoi? C'est les informations et les récits des anbiya auparavant avec la communauté, pour apprendre ibra, pour en tirer des leçons et comprendre comment nous devons fonctionner. Et les trois se joignent. Car les NBS sont tous venus avec le même da'wah. Qui est da'wah et le tawhid. Hada, alladhi aradna, bidhalik al-yom. La fahimtahu? Pardon, à partir de demain, inshallah ta'ala, on commencera dans la lecture du livre. On a ktafi l'yom biyadil muqaddima. Fa alhamdulillah rabbil alamin.